إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est au cours 124 aujourd'hui et la semaine passée on a commencé le chapitre 47 et on a commencé le chapitre 46 et 47 et là on a commencé le chapitre 47 et on est rendu maintenant à l'explication du hadith. On a expliqué le titre, hein, le titre c'est Babun Ihtiram Asma'illah wa Taghyir al-Ism min ajli dhalik, c'est-à-dire d'avoir du respect envers les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de changer un nom dans ce but-là, c'est-à-dire dans le but de montrer du respect au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a commencé à expliquer le titre la semaine passée et là donc on va commencer à expliquer le hadith qui est mentionné dans ce chapitre-là. يعني le cheikh il mentionne un hadith qui dit وعن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قال شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قال شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيره. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a mentionné ce hadith dans ce chapitre et la signification de ce hadith c'est que il y a un homme qui parmi les sahaba qui s'appelait Abu Shuraih et comme kunya, hein, comme surnom on lui donnait le nom de Abul Hakam, on l'appelait Abul Hakam. Et yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui al-hakam, et c'est lui qui a al-hukum. C'est-à-dire, parce que al-hakam, ça veut dire celui qui juge. D'accord? Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah, c'est lui qui juge. Et c'est à lui qu'appartient le jugement. Donc, en voulant dire, ça, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, t'as pas le droit de prendre ça comme kunya, hein. Que Abu, ça veut dire le père, et Al-Hakam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu ne peux pas t'appeler le père de Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr. Donc, c'est un manque de respect. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de changer ce nom-là. Mais en fait, quand les Arabes donnent une kunya et qu'ils appellent quelqu'un Abu al-Hakam, ça ne veut pas nécessairement dire père. Dans le sens qu'ils l'utilisent, eux, c'est plutôt celui qui a cette chose-là. D'accord? Comme par exemple, Abu Huraira, c'est sûr que c'est pas le père du petit chat. Mais, bien entendu, ça veut dire que c'est lui qui est toujours avec les chats, donc il s'en sépare jamais. Hein, dans ce sens-là. Donc, des fois, ça peut être parce que t'as un fils qui s'appelle par ce nom-là, et des fois, c'est pas nécessaire, c'est-à-dire, c'est pas obligatoire que tu aies un enfant qui ait ce nom-là, pour avoir ce soit ta kunya. Donc, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Le sahabi, il a expliqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam pourquoi on l'appelait comme ça. Premièrement, il a expliqué pour montrer que c'est pas lui qui a choisi ce nom-là, c'est que c'est des gens qui lui ont donné et pourquoi. Le cheikh, il dit que, il a mentionné la suite du hadith, ça dit, que Abu Shurayh, ou Abu Shurayh, il a commencé à s'expliquer, il a dit, ma tribu, les gens de ma tribu, lorsqu'ils ont un désaccord, ils viennent me voir et je juge entre eux. Et tous les deux parties sont satisfaits de mon jugement. Alors, yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça c'est comme si, ma ahsana hada, c'est-à-dire, ça c'est une très bonne chose, yani. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé combien d'enfants tu as, ou bien est-ce que tu as des enfants, alors ou des fils. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé ça, et Abu Shurayh, il a répondu, oui, j'ai trois fils. J'ai un fils qui s'appelle Shurayh, un fils qui s'appelle Muslim et un fils qui s'appelle Abdullah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, lequel d'entre ces trois-là est le plus âgé? Et l'homme a répondu, c'est Shurayh. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en disant, alors dans ce cas-là tu seras Abu Shurayh. Donc il lui a donné un autre nom pour changer le nom qu'il avait par rapport à Abu al-Hakam. Donc le cheikh il explique maintenant, le cheikh Salih al-Fawzan il explique. Il dit, وذكر رحمه الله الدليل فقال عن أبي شريح اسمه على الراجح هاني ابن يزيد الكندي صحابي وله رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يكنى الكنية ما صدر بأب أو أم كأبي عبد الله وأم هاني وما أشبه ذلك، والكنية تكون للتشريف والتكريم، أما اللقب فإنه يكون للمدح وللذم، والغالب أنه للذم، ولذلك يقول الله جل وعلا ولا تنابزوا بالألقاب. Donc le cheikh il commence par expliquer que يعني le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a mentionné comme preuve dans ce chapitre le hadith qui est rapporté selon Abu Shurayh, et son nom, selon ce qui est correct, parce qu'il y a eu une différence d'opinion à ce sujet-là, toutefois l'opinion correcte c'est que son nom c'est Hani ibn Yazid al-Kindi, et c'est un sahabi, et il a une narration du prophète, de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sa kunya, c'est-à-dire sa kunya c'est Abu al-Hakam, et la kunya qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est tout nom qui est précédé par Ab ou Om, c'est-à-dire par père ou mère. Comme par exemple Abu Abdullah ou bien Om Hani. Donc c'est pour ça que tu trouves, par exemple, dans les livres, tu trouves toujours des Sahaba, on parle d'eux en disant Abu Abdurrahman, Abu Abdullah, Abu Huraira, Abu Uthman, Abu, hein, tous les ulama, ils ont une kunya. Et ça, c'est quelque chose qui est connu chez les Arabes. D'accord? Donc, c'est toujours quelque chose de bien d'avoir une kunya. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné cette pratique ou cette habitude de prendre une kunya. Mais c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui était pratiqué par les Sahaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il désignait à certains des Sahaba parfois, il choisissait lui-même de les nommer par une kunya bien spécifique à eux. Et donc c'est quelque chose qui fait partie de la religion. Et donc c'est bien d'avoir un nom comme ça. Il y en a qui s'imaginent que ça a une autre signification ou d'autres significations. Bien entendu, ça a rien à voir. C'est sûr que peut-être qu'il y a des gens qui donnent à ça une autre signification, mais c'est par rapport à la sunna qu'on fait ça. Barakallahu fik. Je pense que ça c'est une bonne chose, que les frères se donnent une kunya entre eux, puis qu'ils s'appellent entre eux par leur kunya. D'accord? Ça c'est quelque chose qui est bien, parce que ça, comme tu dis, ça fait revivre cette sunna. C'est quoi? Abu Ibrahim, barakallahu fik Abu Ibrahim. خلاص ان شاء الله من هنا وانت فيكم سهل بارك الله فيك. donc c'est ça, la kunya c'est un mot qui ou un nom qui est précédé par ab ou abu ou ummu, hein? Donc Abu Ibrahim, Abu Abdullah, Hani, il peut y avoir plein d'exemples comme ça. Et la kunya, c'est pour l'honneur, ça a un sens de l'honneur. Donc c'est pour honorer quelqu'un, tu l'appelles par sa kunya. Et at-tashrif wa at-takrim, la générosité et l'honneur. Et après il dit, en ce qui concerne al-laqab, al-laqab c'est pas pareil. Al-laqab c'est à la fin d'un nom, c'est après le nom, souvent c'est mentionné. Et soit que c'est pour, c'est un laqab, souvent c'est pour, soit pour dire quelque chose de bien à propos de quelqu'un, ou bien pour faire sortir un de ses défauts. Donc soit c'est pour faire sortir une de ses qualités, ou faire sortir un défaut, ou bien parfois c'est juste un titre, ou un sobriquet, ça dépend, ça peut être différentes choses. Comme par exemple, on a des exemples de différents, par exemple parmi les khulafa, ou même parmi les ulama, on a des, parmi eux il y en a qui s'appelaient différents noms, puis il y en a qui s'appellent par exemple Al-Ahwal, ou bien Al-A'mash, ça c'est ce qu'on appelle des laqab, et par exemple Al-Mu'tasim, ou bien Al-Mutawakkil Billah, tu vois, ils avaient toujours des alqab comme ça, c'est des surnoms. Donc ça c'est soit pour glorifier ou pour blâmer quelqu'un, mais en général c'est pour blâmer quelqu'un. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 11 dans sourate Al-Hujurat, il nous interdit de donner aux gens des sobriquets. Il dit wala tanabazu bil alqab, c'est-à-dire ne vous donnez pas entre vous des mauvais sobriquets. Souvent les gens ils donnent des mauvais surnoms comme ça pour s'insulter ou se rabaisser les uns les autres, et ça c'est pas permis dans l'islam. C'est comme tu dis Nasruddin ou Shamsuddin, ou bien des noms comme ça, il y en a beaucoup. À ce sujet là c'est sûr que l'exagération dans la glorification des personnes c'est toujours quelque chose qui est déconseillé. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit qu'on se glorifie les uns les autres, ou qu'on s'envoie des glorifications, spécialement si c'est pas vrai, si c'est des fausses glorifications. Donc dans ce cas-là, c'est sûr que c'est pas bon d'exagérer dans la glorification des gens. Mais c'est souvent des noms qui sont donnés à certaines personnes puis qui restent, les alqab. Donc une fois qu'une personne est connue par un laqab, même des fois c'est un sobriquet qui est négatif, et les ulama ont parlé de ça dans les chapitres qui parlent par exemple de la médisance, et ils ont dit que si une personne est connue par ce nom-là, puis qu'on le reconnaît uniquement par cette caractéristique-là, dans ce cas-là, si tu le mentionnes par ce nom-là, ça fait pas partie de la médisance. Mais si tu parles de quelqu'un puis tu dis lui un tel, celui qui louche, ou celui qui est chauve, ou celui qui boite, ou celui qui est bossu, ou des trucs comme ça, là c'est pour ça peut être vu comme étant un sobriquet ou quelque chose de mauvais pour insulter quelqu'un ou rabaisser quelqu'un ou humilier quelqu'un. Dans ce cas c'est pas permis. Mais si c'est un signe distinctif par lequel il est connu et que tout le monde le connaît, et que ça lui dérange pas de se faire appeler comme ça, dans ce cas-là, c'est pas interdit, wallahu a'lam. Bon, le cheikh il dit ensuite, est-ce qu'on est rendu? Abal hakam, al-hukum, huwa alladhi yahkum, al-hakam, huwa alladhi yahkum bayna al-nas, wa yafsilu al-niza'. ومنه سمي الحاكم حاكما لأنه يفصل بين الناس فالحكم بالألف واللام لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى أما أن يقال حكم بدون تعريف فلا بأس فالله جل وعلا يقول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها donc le cheikh il dit أبا الحكم الحكم ça veut dire celui qui juge entre les gens pour trancher lorsqu'ils ont un désaccord ou une dispute. Et c'est de là qu'on l'appelle Al-Hakam, et c'est de là qu'on appelle un dirigeant Hakim, parce que c'est lui qui juge entre les gens. Avant, à l'époque, c'était comme ça, c'est le roi qui était le juge dans la ville ou dans l'endroit où les gens habitaient, et quand il y avait des problèmes entre les gens, ils allaient toujours retourner leurs questions de divergence aux dirigeants, au roi ou au sultan ou celui qui était l'autorité dans le pays, pour que celui-ci tranche entre les gens. Toutefois, également, bien sûr, on prenait aussi les savants de l'islam pour juger entre les gens aussi, pour être des juges dans différentes régions des pays musulmans. Et bien sûr, c'est, si quelqu'un est désigné comme étant un juge, bien sûr, c'est le dirigeant qui va le désigner comme tel. Et donc, il est comme une sorte de représentant du dirigeant dans le fait de juger entre les gens. Et donc, c'est de là que vient le terme, quand on parle d'un dirigeant, on l'appelle en arabe un hakim. Et un hakim, ça veut dire un juge. D'accord? Donc, on l'appelle hakim parce que il juge entre les gens. Et fal-hakam, na'am. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, akhi? Na'am. Na'am. Barakatuh. Oui, c'est ça. Donc, khair, inshallah. Donc, comme je disais, al-hakam avec al-alif et al-lam, quand on le dit de façon définie, on n'a pas le droit de le dire excepté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, si on dit par exemple hakam sans alif et lam avant, donc c'est l'article, comme le juge, si tu dis le juge, ça veut dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu dis un juge, sans mettre alif et lam au devant, dans ce cas-là, tu peux le dire à propos de quelqu'un, ça, il n'y a pas de problème, tu peux appeler quelqu'un hakam, mais pas al-hakam. C'est ça la différence. Et le cheikh dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Donc la preuve de ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 35 dans Surah An-Nisa, je pense que c'est dans les questions de dispute entre un homme et sa femme, lorsqu'il y a des disputes dans un couple, la façon de juger ou de trancher dans cette dispute-là, et pour essayer de faire la réconciliation entre les deux, c'est que, après qu'on ait suivi toutes les démarches et les étapes pour essayer de régler le problème entre l'homme et sa femme et que tout a échoué, dans ce cas-là, à la fin, ils vont demander de faire une réconciliation en prenant un juge de la famille de la femme et un juge de la famille de l'homme. Et les deux, ils vont venir puis ils vont essayer de régler le conflit qui existe entre les deux époux. Donc ça, c'est une preuve qu'on peut dire à propos de quelqu'un qu'il est un hakam, mais al-hakam, c'est seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça ce que le cheikh explique. Ensuite il dit, وقوله إن الله هو الحكم وإليه الحكم بمعنى أنه هو الذي يحكم بين عباده في الدنيا ويحكم بينهم بوحيه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الرسول صلى الله والرد إلى الله سبحانه وتعالى هو الرد إلى كتابه. والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته سبحانه وتعالى. وكذلك هو الحكم في الآخرة الذي يحكم بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون. ففي الآخرة ليس هناك حاكم سواه سبحانه وتعالى، وهو الذي يتولى الفصل بين عباده ويحكم للمظلومين على الظلمة ويرد المظالم إلى المظلومين فلا ينهى فلا ينهي أو فلا ينهي النزاع بين العالم إلا الله سبحانه وتعالى. أما الحكم الذي في الدنيا يحكم به الحكام من القضاة، أما الحكم الذي في الدنيا يحكم به الحكام من القضاة فهذا يخطئ ويصيب. Donc le cheikh il dit que dans la suite du hadith, c'est écrit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cet homme qui s'appelait Abu al-Hakam en fait il voulait lui dire que c'est Allah seul qui s'appelle al-Hakam et c'est lui qui a al-Hukm, c'est-à-dire c'est Allah qui s'appelle le juge et c'est à lui qu'appartient le jugement. On ne peut pas donner ce nom-là à quelqu'un d'autre, donc en voulant dire tu ne peux pas t'appeler de cette façon-là, tu ne peux pas t'appeler avec cette kunya-là, c'est pas permis. Et le cheikh il explique que quand on dit que c'est Allah qui est al-Hakam, ça veut dire que c'est lui qui juge entre ses serviteurs dans cette dunya et dans l'akhira. Dans cette dunya, comment il juge dans cette dunya? Il juge entre ses serviteurs dans cette dunya par la révélation qu'il a révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran et la Sunna. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 10 dans sourate Shura, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Ça veut dire que si vous divergez en quoi que ce soit, alors sachez que son verdict ou son jugement revient à Allah subhanahu wa ta'ala. فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Donc ça veut dire que quand on a n'importe quoi comme dispute ou désaccord ou problème, on est obligé de retourner à Allah subhanahu wa ta'ala pour trancher dans ce problème-là. Et il y a le verset 59 dans Surat al-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager, si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier. Donc le cheikh explique que si tu veux, si tu ramènes le jugement à Allah subhanahu wa ta'ala, ça signifie quoi? Ça signifie que tu le ramènes au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette dunya. Et quand tu dis le ramener le jugement au messager, sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant son existence, quand il était vivant, tu ramènes les disputes au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il juge entre les hommes dans la dispute ou dans le désaccord. Toutefois, si c'est après sa mort, étant donné que là il est décédé, on ne peut plus retourner les désaccords au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ramène nos désaccords à qui? On ramène nos désaccords au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à sa sunna. À sa sunna après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et de même que le cheikh il dit yani que Allah subhanahu wa ta'ala il va trancher ou il va juger aussi, non seulement qu'il juge entre les hommes par sa révélation dans la dunya, mais dans l'autre vie après la mort, il va aussi juger entre les hommes au jugement dernier, d'accord? Et il n'y aura pas d'autre juge que lui dans l'autre vie, dans l'autre monde après la mort, il n'y aura pas d'autre juge que Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui tranchera entre ses serviteurs et il va remettre aux gens qui ont été lésés ou qui ont été opprimés dans cette vie, Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte qu'on leur remette ce qui leur a été enlevé ou lésé, toutes les justices qu'ils ont subies dans cette vie, on va leur remettre ça, c'est-à-dire qu'ils vont être rétribués pour tout ce qu'on leur a fait d'injustice dans cette vie. Et ceux qui ont fait l'injustice et ceux qui ont fait l'oppression, qui ont opprimé les gens, eux ils vont être punis et ils vont être obligés de rembourser à ceux qui ont été opprimés toute l'oppression et l'injustice qu'ils ont fait aux opprimés. Donc le cheikh il explique que il n'y a rien qui va faire terminer les disputes entre les hommes excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne qui peut faire arrêter les disputes ou les discordes ou les désaccords entre les hommes sauf Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier. C'est là qu'il y aura le jugement ultime et le jugement final parce que Allah subhanahu wa ta'ala juge en toute connaissance, hein, et avec sa justice, et yani, il juge d'une façon parfaite et juste. Donc, tout le monde sera satisfait et personne va être lésé, hein. Personne va être lésé dans ses droits et dans ses devoirs et dans ses droits. Tout le monde va remettre ce qu'il a fait de mal à quelqu'un. Et tout le monde va être yani, remboursé pour qu'est-ce qu'on lui a fait, qu'est-ce qu'il a fait aux autres, il va en payer les prix, et qu'est-ce que l'autre a subi de la part d'injustice de la part de quelqu'un, il va être compensé pour cette injustice qu'il a subie de la part de cette personne-là. Donc il n'y aura personne au jugement dernier qui va être lésé ou qui va pouvoir dire qu'il a été jugé de façon injuste. Tout le monde va être jugé de façon juste. Tandis que les juges dans cette vie, dans ce bas monde, eh ben, ils jugent, parfois ils ont raison, parfois ils se trompent, parce que c'est des êtres humains. Donc le juge, lui, il peut pas juger par autre chose que ce qu'il sait. Tu vois? Et c'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit dans Majmu' al-Fatawa, justement quand il parle de l'ijtihad de Mujtahidin, il parle du moment où, par exemple, quand deux personnes se mettent ensemble pour dire au juge quelque chose alors que c'est un mensonge. Hein, et ils sont des témoins, puis ils se sont mis d'accord pour mentir, eh bien le juge, il est obligé de juger selon l'information qu'on lui donne. Il ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il a le cœur. D'accord? Donc si on lui a menti, le juge, il juge uniquement d'après ce qu'il a entendu. De même que, également, il peut se tromper, il peut faire des erreurs, parce que l'erreur est humaine. Et puis justement, à ce sujet-là, dernièrement, en Arabie Saoudite, il y avait une question, ou pas une question, mais il y avait une fatwa qui avait été faite par le juge en chef en Arabie Saoudite, le juge en chef de la Cour suprême en Arabie Saoudite, qui avait fait une fatwa durant, je ne sais pas si c'était durant le Ramadan, au sujet des émissions de télévision qui sont passées sur les chaînes satellites durant le Ramadan. Et on avait posé la question au cheikh, cheikh, comment ça se fait que pendant le Ramadan, entre l'heure de Maghrib et de Isha, hein, à l'heure où tout le monde est à la maison en train de briser le jeûne, puis de commencer à manger, puis se préparer pour aller à la mosquée, pour faire le taraweeh, c'est là qu'à ce moment-là, il commence à passer toute sa démission de futilité, des choses vraiment... Hein, c'est comme il y a des gens qui ont dit, même ils passent à ces heures-là, ils passent des émissions que le reste de l'année ils ne passent jamais, et ils font exprès pour cibler les gens à cette heure-là, justement leur faire passer toutes sortes de choses qui sont parfois mauvaises. Ça c'est pas seulement en Arabie Saoudite, c'est partout, hein, parce que bien entendu il y a les chaînes de l'Arabie Saoudite et il y a les chaînes de l'étranger. Hein. Et parfois même, moi je me souviens quand j'étais là-bas, des fois il y avait certaines émissions de comédie à cette heure-là que les gens écoutaient. Et le reste de l'année, ça joue pas. C'est seulement pendant le Ramadan. Et les gens, ils regardent ça. Hein, ils ont pris l'habitude. Donc le cheikh Al-Haydan, il a fait une fatwa, il a dit ces gens-là qui font ça, en tout cas, je me souviens pas exactement mot pour mot la fatwa, sauf que il a expliqué que ces gens-là doivent être punis, puis que pourquoi? Parce qu'ils font le façade sur la terre. Ils sèment la corruption sur la terre et la dégradation morale sur la terre, et que la punition des gens qui sèment le désordre sur la terre, c'est qu'ils doivent être tués, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. Donc dans ce verset-là de sourate Al-Ma'ida, on se fait, il dit que la récompense pour ceux qui font la guerre, déclarent la guerre à Allah et à son messager et qu'ils font le désordre sur la terre. Donc, le cheikh a mentionné ce verset-là. Il a dit que les gens qui sont, qui font ces trucs-là, les chaînes de satellites et tout ça qui font la corruption sur la terre, ils devaient être tués. Et il y a des chaînes de télé qui ont repris la fatwa, mais ils ont coupé des parties de la fatwa où le cheikh mentionnait que c'est pas parce que eux ils ont essayé de faire passer la fatwa pour dire le cheikh il demande aux gens de tuer les gens qui travaillent dans les chaînes de télévision. Et le cheikh il n'avait pas dit ça, il a parlé que ils doivent être jugés bien entendu et ils doivent être amenés en cour et etc etc. Et il y a les chaînes de télévision ont passé la fatwa sans mentionner justement la partie où ils disaient qu'ils doivent être jugés et ainsi de suite. Et donc, pour essayer de faire paraître mal le cheikh en question. Et là, il y a des, je sais pas si c'est des journalistes ou des laïcs ou quoi, ils écrivent des commentaires dans les journaux. Et là, il y en a un parmi eux qui a commencé à attaquer Cheikh Al-Haydan et à dire des choses sur lui que il incitait les gens au meurtre et des trucs comme ça. Alhamdoulilah, il y a Cheikh Abdel Mouhsin Al-Abbad qui a écrit une réfutation de cette parole-là et qui a mentionné tous les détails, comment ça, premièrement qu'on a coupé la fatwa, qu'on n'a pas mentionné la fatwa telle qu'elle était, ensuite comment ça se passe, toutes les étapes pour que quelqu'un soit exécuté. Avant que la personne soit exécutée, il y a 13 juges qui doivent signer, avant qu'on donne la permission ou que la peine soit appliquée sur quelqu'un en Arabie Saoudite avant qu'il soit exécuté. Des comités de juges qui doivent vérifier toute la question. Et en dernier, c'est le roi qui doit signer lui-même en dernier pour dire que oui, il approuve. Et après, la peine est exécutée. C'est pas comme ça que ça se passe, là, comme si on dit, ça y est, quelqu'un est exécuté comme ça, puis un bon matin, on se lève, puis on dit, bon, ça y est, on l'exécute. Non, il y a toutes des procédures bien précises et tout. Donc, c'était juste pour vous dire comment, parfois, les gens, ils aiment accuser à tort et à travers les ulamas et les gens, et en particulier maintenant, l'Arabie Saoudite, parce que c'est eux, un des seuls pays qui appliquent la charia dans le monde actuellement, et donc ils aiment cibler l'Arabie Saoudite et calomnier et dire des mensonges en ce qui concerne les jugements là-bas, surtout parce que ils appliquent la charia. Donc le cheikh il dit qu'un juge, oui c'est vrai, il peut se tromper, mais c'était juste pour dire que s'il arrive dans des questions, par exemple dans des erreurs, c'est pas comme si les chouurs ils font ça à la légère où ils prennent pas des précautions, non, ils prennent des précautions et ils regardent bien comme il faut les choses pour être sûr de pas que quelqu'un soit pas exécuté pour rien. Et même il y a un hadith du prophète Salam qui mentionne que si vous avez un doute sur quelqu'un qui mérite une punition, dans ce cas-là, il faut pas l'appliquer et que c'est mieux de se tromper dans le pardon que de se tromper dans la punition, hein. Donc il y a beaucoup d'exemples de ce genre-là. Et le cheikh il mentionne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, et lorsque le juge fait un effort, c'est-à-dire il fait l'effort pour atteindre la vérité dans son jugement, et qu'il a la bonne réponse et le bon verdict, dans ce cas-là il aura deux récompenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois s'il fait un effort et qu'il se trompe, alors il aura une seule récompense au lieu de deux. Donc dans tous les cas, celui qui fait l'ijtihad et qui est parmi les savants, lorsqu'il fait l'ijtihad, il n'est jamais perdant. Pourquoi? Parce que même s'il a la bonne réponse, il a deux hasanat ou deux bonnes actions, deux récompenses, toutefois s'il se trompe, il en a une au lieu de deux. Et ça c'est pourquoi? C'est parce que sinon, personne n'oserait juger. Tout le monde aurait peur de faire un jugement, et donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, si quelqu'un a la bonne réponse, il a deux hasanat, il a la récompense pour son ijtihad et la récompense pour avoir atteint la bonne conclusion, la bonne réponse, Toutefois, s'il s'est trompé, il a une hasanat pour son ijtihad, mais il n'a pas de récompense pour avoir atteint la vérité parce qu'il s'est trompé. Donc le hadith c'est quoi? C'est والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد أما إذا لم يجتهد أو اجتهد وهو ليس أهلا للاجتهاد وحكم فإنه على كل حال مخطئ وآثم لأنه ليس من حقه أن يحكم وهو ليس أهلا للاجتهاد إلا في مسألة الصلح. Donc le cheikh il explique ici par la suite, il dit que si par exemple quelqu'un ne fait pas d'ijtihad, ou bien qu'il fait un ijtihad mais qu'il ne fait pas partie des gens qui sont aptes à faire l'ijtihad, qu'est-ce que ça veut dire l'ijtihad? Ça veut dire quelqu'un qui fait un effort pour arriver à un verdict ou à un jugement. Donc si quelqu'un fait l'effort, si quelqu'un ne fait pas d'effort, c'est-à-dire il juge comme ça, comme s'il dit ah oui, je donne telle décision dans ce jugement-là, mais il n'a pas fait même d'effort pour essayer de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, dans ce cas-là, bien entendu, il est puni, il sera puni, hein, il ne sera pas récompensé parce qu'il n'a pas fait l'effort nécessaire. Et si il fait l'ijtihad, mais qu'il n'est pas apte à faire l'ijtihad parce qu'il n'a pas les outils nécessaires et la connaissance nécessaire pour faire l'ijtihad, dans ce cas-là, il sera encore là puni aussi, parce que quelqu'un qui n'a pas les connaissances nécessaires et qui n'a pas la capacité nécessaire pour faire l'ijtihad, il n'a pas le droit de faire l'ijtihad. Hein? Et ça, c'est pour réfuter les modernistes qui pensent que tout le monde a le droit de faire des ijtihads et des fatawa et de donner des verdicts dans la religion. Surtout chez les gens de Hezbi, hein, les gens de Bid'a parmi les modernistes aujourd'hui. Une fois j'écoutais une conférence de Tariq Ramadan qu'il a donné cette conférence-là à Toronto dans le colloque ou le séminaire qu'ils organisent à chaque année qui s'appelle Reviving the Islamic Spirit ou quelque chose comme ça. Et ben dans ce séminaire, Tariq Ramadan, je sais plus c'est en quelle année, pas Tariq Ramadan, Tariq Souaydan, il a fait une conférence. Tariq Souaydan, c'est le Koweïtien, c'est un homme qui a étudié en administration ou en finance ou quelque chose comme ça, en tout cas, oui, un Koweïtien. Donc il a fait une conférence, puis après il a parlé de la liberté et de la démocratie. Et il disait que dans l'islam, on a la liberté, on a la démocratie, et puis il dit qu'il a fait des recherches, puis il est arrivé à des conclusions qu'aucun autre savant avant lui n'avait découvert à propos de l'islam. Et il a dit, parmi les libertés que les musulmans ont, il dit, on a la liberté de fatwa. Ouais, la liberté de fatwa. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dit, par exemple, il donnait un exemple, il dit, il y a un tel, il citait le nom de quelqu'un qui était parmi les speakers, les gens qui font les discours, là, les conférences. Il dit, un tel, c'est un physicien, ou c'est un médecin, et il a le droit de faire la fatwa, parce qu'il est médecin. Donc, ces gens-là, c'est par rapport à leurs études qu'ils font dans la dunya. Ils s'imaginent que ça leur ouvre la porte ou que ça leur donne la possibilité de donner des fatawas puis de faire des verdicts juridiques dans l'islam. Et bien entendu, ça c'est grave, c'est dangereux. Parce que ça ouvre la porte à l'ignorance et à l'égarement. Et à parler à propos d'Allah sans connaissance. Donc la personne qui fait des fatwas sans connaissance, il n'est pas excusé pour ses erreurs. Hein, c'est comme par exemple ceux qui faisaient les fatwas qu'il y avait la djihad en Algérie. Et il disait, ouais, ben un tel il a fait la fatwa, puis un tel il a dit qu'il y a une fatwa pour ça. Et pourtant, ces gens-là ne sont pas des gens qui sont aptes à faire la fatwa. Et des gens qui sont qui sont des grands savants, qui sont des ulama reconnus pour faire la fatwa, eux ils ont dit autre chose que ces gens-là. Donc qui tu vas prendre comme des gens qui sont ignorants, qui veulent se donner eux-mêmes le droit de faire des fatwas, ou bien tu retournes au ulama. Mais c'est pas justifié à Montréal, mon frère. Il y a partout. Maintenant, on trouve ça en Europe, en Amérique, aux États-Unis. C'est devenu quelque chose pour beaucoup de monde. Pour eux, la riba, c'est comme ils disent que c'est une nécessité et que t'as pas le choix de le prendre. Et bien entendu, la porte pour la nécessité, elle est large pour ces gens-là. Ouais, elle est large malheureusement. Ils se permettent de la prendre, même si pour n'importe quel, on paie un logement, ça coûte cher chaque année, à la longue, ça équivaut à le montant d'une maison, donc c'est mieux d'acheter une maison, donc on va prendre le riba. Et ça, pour eux, c'est une nécessité. Bien entendu, c'est pas une nécessité. Et donc c'est ça. Après, le cheikh il dit, donc on n'a pas le droit donc de faire des ijtihads si on n'est pas apte à le faire. D'accord? Si on n'a pas les capacités de le faire. Et excepté dans les questions de sulh. Qu'est-ce que ça veut dire sulh? Ça veut dire quand tu veux essayer de réconcilier deux personnes dans des choses comme ça, oui. Comme par exemple de faire le juge dans les questions de divorce ou des questions de conflit entre deux époux, pas nécessairement de divorce, mais quand il y a deux personnes qui ont des disputes entre eux, un homme et sa femme, puis comme j'ai dit tout à l'heure, ils ne savent plus quoi faire, ils prennent un juge de la famille de la femme, un juge de la famille de l'homme, ils choisissent quelqu'un qui a un bon jugement parmi ces gens-là, et ils viennent pour essayer de les réconcilier. Ça, c'est quelque chose qui est permis. D'accord, mais sinon, dans l'ijtihad, dans le sens de l'ijtihad dans la religion, ça c'est pas permis, excepté à ceux qui sont aptes à le faire. Ensuite, le cheikh dit, وَالنَّبِي صلى الله عليه وسلم قال إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمْ وَإِلَيْهِ الْحُكُمْ عَلَى سَبِيلَ الْإِنْكَارِ عَلَى أَبِي شُرَيْحِ ثُمَّ إِنَّ أَبَا شُرَيْحِ أراد أن يبين السبب للرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لم يسمى نفسه أو وأنه لم يسمى نفسه بذلك، وإنما الناس هم الذين سموه به، والسبب في هذا أنه إذا اختلف قومه في الشيء أو في شيء رجعوا إليه فحكم بينهم فرضي كلا الفريقين بمعنى أنه يصلح بينهم برضاه وليس في هذا ظلم لأحد وإنما فيه إنهاء للنزاع وقطع للخصومة وإرضاء لكلا الفريقين أو الطرفين وهذا عمل خير ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا والله جل وعلا يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وقال تعالى والصلح خير وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا donc le cheikh il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le juge et c'est à lui le jugement, c'est à lui qu'appartient le jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ça à Shuraykh, Abu Shuraykh, dans le but de le blâmer en fait, parce que Abu Shuraykh avait la kunya de Abu al-Hakam. Et par la suite donc Abu Shuraykh il a commencé à expliquer au prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'était pas lui-même qui s'était donné ce nom-là, mais c'est que c'est les gens de son peuple qui lui ou de sa tribu qui lui ont donné ce nom-là. Pourquoi? Parce que lorsque les gens avaient une discorde entre eux ou un désaccord entre eux, ils retournaient vers lui pour demander de juger entre eux. Puis ils jugeaient entre eux et ils les réconciliaient avec leur consentement. Ils étaient tous les deux parties étaient satisfaits de cette conciliation, réconciliation-là. Donc, il n'y avait aucune injustice dans sa décision pour quiconque. Mais il faisait juste essayer de couper la dispute, de faire cesser la dispute, de couper la discorde, les désaccords et tout, pour que les deux parties soient contents. Hein? Donc ça c'est, il n'y a pas de doute que c'est un bon geste, une bonne action. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet-là donc, « Ma ahsana hadha » Il dit ça c'est quelque chose de très bien. Hein? Donc il a glorifié cette action-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, dans Surat An-Nisa, le verset 114, il n'y a pas de bien dans la plupart de leurs paroles qu'ils se font entre eux en secret. Les gens, la plupart d'entre eux, quand ils se parlent en secret, hein, ils ne disent pas grand chose de bien. Yani, excepté celui qui ordonne de faire une aumône, de donner à quelqu'un, sadaqa, ou qui ordonne un bien, ma'ruf, de faire du bien à quelqu'un, ou bien de réconcilier deux personnes. Ça, dans ce cas-là, ça c'est des choses de bien que tu peux dire, si tu t'assois avec des gens, tu parles de choses de façon an-najwa, c'est-à-dire, tu parles avec des gens à voix basse. C'est ça que ça veut dire an-najwa. Ok? Et Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, il a interdit al-Najwa dans Surat al-Mujadala, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ya ayyuhal ladhina amanu idha tanajaytum, fala tatanajaw bil-ithmi wal-udwani wa ma'siyati ar-rasul. Wa tanajaw bil-birri wa taqwa. Donc, c'est permis de faire al-Najwa, de parler à voix basse entre deux personnes, à condition que c'est dans la piété, puis dans le bien, puis dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, si c'est dans le péché, puis dans la désobéissance et la transgression, des ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas-là c'est haram. Donc parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées dans lesquelles il dit, au sujet desquelles il dit que c'est bien de faire un najwa, c'est par exemple de faire la réconciliation entre deux personnes, al-islah. Et c'est ça que Abu Shuraih faisait, il réconciliait entre les gens. Et il mentionne aussi le verset 128 dans Sourate An-Nisa, وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, c'est-à-dire la réconciliation ou de faire des réconciliations entre les gens ou des ententes entre les gens, ça c'est quelque chose de bien. Et il y a également la mention d'un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit que الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ, c'est-à-dire il est permis de faire des ententes et des réconciliations entre les musulmans, excepté une entente qui implique de rendre halal ce qui est haram ou de rendre haram ce qui est halal. Ça, dans ce cas-là, c'est pas permis. Illa sulhan halla haraman ou harama halalan. Donc, excepté une entente qui rend halal ce qui est haram ou qui rend haram ce qui est halal. Après, le cheikh il dit, فالإصلاح بين الناس أمر مرغب فيه. وعمل صالح وصدقة من الإنسان على نفسه أن يعدل بين الناس ويسوي الخلافات بين الناس بعكس الذي يثير النزاع ويحدث الفتنة بين الناس ويحرش بينهم على بعض يحرش بعضهم على بعض فهذا مفسد والعياذ بالله. خلاف الذي إذا وجد الناس مختلفين فإنه يصلح بينهم ويقارب بين وجهات نظرهم ويذهب ما في نفوسهم من الكراهية بعضهم لبعض فهذا مصلح وله أجر عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا تعجبا وثناء على تعجبا وثناء على عمل هذا الرجل وتشجيعا له على ذلك. وإنما أنكر التكني بأبا الحسن وأراد تغييره حيث قال صلى الله عليه وسلم فما لك من الولد ليجعل له بديلا صالحا. Donc le cheikh il dit donc de faire la réconciliation entre les gens, c'est quelque chose qui est recommandé et encouragé par l'islam. Et c'est une bonne action. Et c'est considéré comme une chose, comme une aumône que quelqu'un fait pour lui-même. C'est comme s'il fait une aumône pour lui-même. Et il juge avec justice entre les hommes et il cesse leur désaccord, il résout leurs disputes et leurs désaccords. Ça, c'est quelque chose de bien. Par opposition, ou par, on peut dire comme contrairement à celui qui sème la discorde entre les gens et qui crée des fitnas entre les gens, et qui les met les uns contre les autres, celui-là c'est un corrupteur, quelqu'un qui fait du désordre, wal'iyadu billah. Et également contrairement à celui qui trouve que les gens sont les uns contre les autres, et il vient et il les réconcilie. Alors celui-là il aura une grande récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit « ma ahsana hadha », c'est-à-dire il dit quand Abu Shuraish lui dit qu'il fait la réconciliation entre les gens quand les gens lui demandent de juger entre eux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, c'est quelque chose de bien. Hein. Il l'a encouragé, il l'a, il lui a fait des éloges à ce sujet-là. Il lui a dit oui, qu'est-ce que tu fais, ça c'est une bonne chose. Hein. Toutefois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu le critiquer ou a voulu dénoncer le fait qu'il est cette kunya, Abu al-Hakam. Et il lui a demandé, ou il a voulu lui faire changer cette kunya-là, pour qu'il change ce nom-là. Alors, il lui a demandé, combien tu as d'enfants? Est-ce que tu as des enfants? Et l'homme a répondu, et la raison pourquoi il lui a posé la question, as-tu des enfants? C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se préparait pour lui donner une alternative à cette kunya, pour lui donner un substitut qu'il va pouvoir adopter. Hein? Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam te donne une kunya, c'est une grande honneur. Hein? Parce que si quelqu'un a une kunya, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné cette kunya-là, ça c'est une grande honneur. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a demandé à Abu Shuraish combien tu as d'enfants, et il dit wa qala Abu Shuraish qultu Shuraish wa Muslim wa Abdullah qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man akbaruhum qala Shuraish fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam anta Abu Shuraish badala Abu al-Hakam kannahu bi akbari awladihi. Donc le cheikh il dit que par la suite Abu Shuraish il a répondu, il a dit oui j'ai des enfants, j'ai trois garçons, Shuraish, Muslim et Abdullah, ça c'est mes trois enfants. Et Shuraish par la suite il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé lequel d'entre les trois et le plus vieux. Et Abu Shuraish a dit, le plus vieux c'est Shuraish. Mon fils, le plus vieux s'appelle Shuraish. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, à partir de maintenant tu t'appelles Abu Shuraish. Ça c'est ta kunya, c'est son surnom maintenant, Abu Shuraish. Parce que c'est par rapport au nom de son plus vieux, son fils le plus vieux. Et donc ça c'est la preuve qu'on doit choisir comme kunya le nom du plus vieux de nos enfants. Ensuite, le cheikh il dit, فَهَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى مَسَائِلَ عَظِيمَ. Donc le cheikh dit que ce hadith-là, c'est une preuve pour des points très, ou des questions très grandes et très importantes. Le point numéro 1, المسألة الأولى, فيه احترام أسماء الله سبحانه وتعالى وإجلالها وإجلالها وتغيير الاسم من أجل إجلالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم أبي الحكم إلى أبي شريح احتراما لأسماء الله سبحانه. subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit comme premier point qu'on doit avoir du respect pour les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et il faut montrer yani, beaucoup d'exaltation envers les noms d'Allah et du respect. Et il faut changer un nom si ce nom-là il faut changer un nom lorsque ça diminue Allah subhanahu wa ta'ala ou ça représente un manque de respect envers ses noms, dans ce cas-là on est obligé de le changer. Et l'exemple de ça, c'est l'exemple dans ce hadith de Abu Shuraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Abu Shuraysh de changer son nom pour montrer du respect envers les noms d'Allah parce qu'il s'appelait Abu al-Hakam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de ne plus s'appeler comme ça. Donc, ça c'est le premier point. Le point numéro 2, al-mas'alatu thaniya fi al-hadith dalil 'ala anna man mana'a min shay'in sayy wa lahu badil salih fa innahu ya'ti bil badil. Fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lamma mana'a min at-takanni bi Abi al-Hakam ja'ala badilan lahu وجعل بديلا له وهو أبو شريح. وهذه قاعدة للمعلمين والدعاة أنهم إذا نهوا الناس عن شيء محرم وهناك ما يحل محله من الطيب أو من الطيب الحلال فإنهم يأتون به ويبينونه للناس. Deuxième point, c'est que dans le hadith, il y a la preuve que si tu interdis quelque chose à quelqu'un et qu'il y a une alternative qui est bonne à cette chose qui est haram, comme par exemple, tu lui dis, tu n'as pas le droit de t'appeler Abu al-Hakam, puis tu sais qu'il y a une alternative à Abu al-Hakam, quelqu'un peut s'appeler, par exemple, Abu Abbas ou Abu Abdullah ou un autre kunya. Donc tu lui dis, tu n'as pas le droit de t'appeler Abu al-Hakam, mais tu ne le laisses pas comme ça. Tu lui dis, tu n'as pas le droit de taper Abu al-Hakam, mais en même temps, tu lui montres l'alternative qu'il peut prendre pour remplacer le mot ou le nom qu'il avait qui n'était pas permis, qu'il n'avait pas le droit de prendre. Et donc, le cheikh, il dit que ça fait partie des règles que les gens qui enseignent l'islam et qui appellent à l'islam doivent prendre en considération lorsqu'ils enseignent aux gens, lorsqu'ils parlent aux gens. S'il y a quelque chose qui est haram, eh bien, ils doivent, quand ils enseignent, s'il y a quelque chose, s'il y a une alternative à cette chose haram, tu le dis aux gens. Donc ça c'est le chef qui dit ça, il dit tu le dis aux gens pour remplacer la chose qui est haram, tu leur montres une chose qui est halal à la place. Mais ça c'est dans le cas où il y a une alternative, parce que c'est pas toutes les choses haram qui ont une alternative halal, contrairement à ceux qui sont en train de parfois vouloir créer des choses islamiques qui n'existent pas. Comme par exemple, on a mentionné la dernière fois, il y a des gens qui veulent faire comme la musique islamique et des trucs comme ça. Et ils disent que ça c'est des alternatives. Ça c'est pas des alternatives ça. Ça c'est tu essaies de rendre haram, halal ce qui est haram. Mais ça c'est grave. Donc, ça c'est le point numéro 2 qu'on a mentionné. En tout cas, le chef, il n'a pas mentionné numéro 3, je ne le trouve pas, en tout cas, ça tombe de 2 à 4. Peut-être qu'il y a une erreur de frappe, oui. Donc, il dit, al-mas'ala al-rabi'a, fi al-hadith dalilun ala mashru'iyyati al-sulh bayna al-nas, fi ma yakhtalifun fihi. Wa anna al-sulh mabniyun ala al-taradi, laysa ilzaman, aw laysa ilzamiyan. فإن أبا شريح قال فرضي كلا الفريقين فالمصلح لا يلزم وإنما يعرض الحل يعرض الحل النافع فإن قبل فالحمد لله وإلا فإن المرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لحسم النزاع. أما الذي يلزم الناس أو يلزم الناس بغير حكم الله فهذا طاغوت كالذي يلزم الناس بحكم الأعراف القبلية التي يتحاكم إليها بعض القبائل فهذا من حكم الجاهلية. Le cheikh il dit que comme quatrième point, il n'a pas mentionné de troisième point, peut-être qu'il y a eu une faute de frappe. En tout cas, le quatrième point, c'est que dans le hadith, on voit qu'il y a la permission de faire des conciliations ou des réconciliations entre les hommes quand ils ont des désaccords entre eux et des discordes entre eux. Et de faire des réconciliations et des ententes entre les gens pour qu'ils soient satisfaits. Ça c'est bien. En fait, c'est une condition qu'ils soient satisfaits les deux côtés. Parce que tu ne peux pas imposer dans des questions d'entente et de réconciliation. Parce que la personne qui fait les réconciliations entre deux parties, il n'est pas un juge. Il n'a pas de pouvoir, exécutif. C'est-à-dire son verdict ne peut pas être exécuté obligatoirement puisqu'il n'a pas d'autorité. Il ne fait que suggérer aux deux parties une solution, et si les deux parties sont satisfaites de cette solution-là, ils le prennent. Toutefois, ils ne sont pas obligés, s'ils ne sont pas satisfaits, d'accepter cette réconciliation-là. D'accord ? Donc c'est ça la différence entre le verdict d'un juge à la cour. Le verdict à la cour, quand le juge tranche d'une question, ça y est. Le jugement qu'il a donné, ça y est, c'est ça ce qui doit être appliqué. Tandis que le verdict ou la réconciliation entre deux personnes et les ententes, parce que là, il faut absolument que les deux parties soient d'accord, parce que ça peut pas être imposé. C'est ça ce que ça signifie. Donc, si les deux parties acceptent, alhamdulillah, toutefois, sinon, on doit ramener ça au livre d'Allah, à la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour faire stopper le désaccord. Et il dit, toutefois, celui qui impose aux gens de suivre un verdict autre que le verdict d'Allah, subhanahu wa ta'ala, celui-là, c'est un tarot. Hein, celui-là, c'est un tarot. Et celui qui impose aux gens de suivre il donne comme exemple de ça, la personne qui impose à quelqu'un ou aux gens de suivre un verdict qui se base sur les traditions des tribus. Celui qui se base sur les traditions des tribus, et qui impose ces verdicts-là sur les gens, c'est comme s'il prenait pour juge le jugement de la jahiliya, le jugement de l'ignorance. Et donc, ça fait pas partie de qu'est-ce qui est permis, bien entendu. Donc c'est pas permis d'imposer un verdict autre que le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui fait ça, c'est un tarout. Donc le cheikh il dit ça. Ensuite, comme dernier point, il dit al-mas'alatu al-khamisa fi al-hadith dalilun 'ala anna al-kunyata takunu bi akbar al-awlad. Comme cinquième point, il y a la preuve que la kunya, elle doit être faite par rapport à l'enfant qui est le plus âgé des enfants. Donc ça c'est la fin par rapport à ce chapitre. On vient de terminer donc le chapitre numéro 47 et donc on va demain inchallah faire le chapitre 48. Toutefois, avant de terminer, Inch'Allah, il y a juste quelques petits points au sujet de ce chapitre-là que j'aimerais clarifier par rapport au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et certaines règles qui ont rapport au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on va lire dans les bienfaits ou les points importants qui ont été extraits du charh de Cheikh Salih al-Fawz, Cheikh Salih ibn Uthaymeen, dans son charh de Kitab al-Tawhid. Cheikh Mohamed ibn Uthaymeen, il a un très grand charh de Kitab al-Tawhid qui est vraiment bénéfique. Toutefois, il est tellement approfondi et tellement élaboré que, bien entendu, c'est plus compliqué et ça aurait été trop long de le faire. Donc, on s'est limité juste à Cheikh Salih al-Fawzan, même s'il est long lui aussi, mais je pense que ça vaut la peine pour un sujet qui est aussi important d'aller dans les détails. Hein. Je me souviens que quand on a commencé ça, il y avait des gens des autres mosquées qui critiquaient justement, disant ah, mais ces gens-là, ils ne font que parler de tawhid tout le temps. Et s'imagine peut-être que ça c'est quelque chose d'étrange, alors que c'est ça la base de l'islam, et c'est ça qui, c'est le point que si quelqu'un ne l'a pas compris, eh ben il n'est pas musulman et il ne pourra pas entrer au paradis s'il n'a pas compris la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc c'est dommage qu'on voit des gens négliger ce sujet-là et qu'on voit que dans beaucoup de centres et de mosquées, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas du tout du tawhid. Donc ça c'est triste. Et donc qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Cheikh, en fait des fawa'id de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, c'est un livre qui s'appelle Al-Fawa'id al-Muntaqa min Sharh Kitab al-Tawhid de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen. C'est écrit par Abu Mohammed Ismail ibn Marchoud ibn Ibrahim al-Rumayh. Et c'est à la page 47, le Al-Fa'ida al-Sab'a al-Sittoun, le point 67 parmi les fawa'id. Mabahith fi asma'illah al-Husna. C'est-à-dire quelques règles qui ont rapport au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, au beau nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit asma Allah mutaradifa, mutabayina. Donc les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est le point numéro 1. Hein, il y a, juste pour vous expliquer, le cheikh il mentionne 8 règles par rapport au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. 8 règles. La règle numéro 1, asma Allah mutaradifa, mutabayina. Donc les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont comme caractéristique qu'ils sont mutaradifa. Qu'est-ce que ça veut dire mutaradifa? Mutaradif, ça veut dire quelque chose qui est synonyme. D'accord? Et mutabayina, ça veut dire ils sont séparés les uns des autres. D'accord? Bon. Qu'est-ce que ça veut dire mutaradifa? Qu'est-ce que ça veut dire mutabayina? Le chef, il explique. Il dit mutaradifa bi'tibar dalalatiha ala zat. لأنها تدل على ذات واحدة ومتباينة باعتبار دلالتها على المعنى والصفة التي تحتمل التي تحملها على المعنى والصفة التي تحملها فهي متباينة وإن كان بعضها يدل على ما تضمنه الآخر من باب دلالة اللزوم مثل الخلاق يدل على العلم المستفاد من العليم. Donc, le chef dit que, premièrement, quand on dit mutaradifa, que c'est des noms qui sont synonymes, à quel point de vue? Ça, c'est au point de vue que lorsqu'on parle du fait que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont synonymes dans quel sens? Dans le sens qu'ils parlent tous, ou ils mentionnent, ils indiquent tous une seule et même personne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Tous ces noms-là, ils sont pour désigner une seule personne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est ce que ça veut dire. Donc, dans ce sens-là, on peut dire qu'ils sont, d'un certain point de vue, ils sont synonymes. Toutefois, d'un autre point de vue, ils sont tous séparés les uns des autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous une signification différente qui indique ou qui signifie une attribut différente. Et donc, dans ce sens-là, ils sont tous ces noms-là sont séparés et différents. Donc ils sont synonymes et différents en même temps. C'est pour ça que la première règle, c'est ça. La première règle au sujet des noms d'Allah, c'est qu'ils sont synonymes et qui sont différents. Synonymes par rapport au fait qu'ils indiquent tous qu'on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils sont séparés dans le sens qu'ils ont tous, ils indiquent tous une signification différente et une attribut différente. Toutefois, le cheikh dit « وَإِنْ كَانَ بَعْدُهَا يَدُلُّ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْآخَرُ مِنْ بَابِ دِلَالَةِ اللُّزُومِ » Toutefois, on dit qu'ils sont tous séparés et qu'ils ont toute une signification différente, donc on dit qu'ils sont mutabayina, qui sont séparés, même si certains noms peuvent indiquer des significations qui sont comprises dans un autre nom. Comme par exemple, le cheikh dit al-khalaq yadullu ala al-ilm al-mustafad min al-alim. Donc, par implication, on peut dire que certains noms ont des significations communes du fait que certains noms ont des significations qui sont impliquées par d'autres noms. Dans le sens que, par exemple, quand tu dis al-khalaq, c'est-à-dire le grand créateur, eh ben, ça implique qu'il est al-alim aussi, qu'il a l'ilm et qu'il est al-alim. Pourquoi? Parce que pour créer toutes ces choses-là, il faut avoir de la connaissance. Donc, d'être créateur implique d'avoir de la science, de la connaissance, et donc ça implique également qu'est-ce qui est indiqué par le nom al-alim dans ce sens-là, d'accord? Ensuite, le chef il dit أسماء الله بعضها معلوم لنا وبعضها غير معلوم لنا لقوله صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. C'est un hadith rapporté par l'imam muslim. Donc avant de passer à ce point là, c'est le point numéro 2, j'ai pas vu. C'est أسماء الله مشتقة بمعنى أنها دالة على الذات والصفة. Donc le point numéro 2, la règle numéro 2, c'est quoi? C'est que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des noms qui sont dérivés, qui sont mushtaqqa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elles indiquent deux choses. Elles indiquent Allah subhanahu wa ta'ala dans sa personne, et elles indiquent Allah subhanahu wa ta'ala dans ses attributs. Donc elles indiquent tous les noms d'Allah indiquent sa personne et indiquent en même temps l'attribut que ce nom-là implique ou signifie. Hein? Comme par exemple Al-Alim et Al-Ilm, c'est l'attribut. Hein? Al-Alim c'est l'omniscient et l'attribut c'est la science, le savoir qui sort de cet attribut-là, qui est dans cet attribut-là. Le point numéro 3, c'est comme j'ai mentionné, ça c'est la troisième règle à propos des noms d'Allah, c'est que certains noms on les connaît et d'autres noms on les connaît pas. On connaît pas tous les noms d'Allah, c'est ça qu'on doit comprendre. La preuve de ça, c'est dans le hadith de Sahih Muslim, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait un dua à Allah et il lui demande quelque chose en disant « Je te demande par tous tes noms par lesquels tu t'es nommé » ou que tu as révélé dans un de tes livres, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, ou que tu as préservé dans ta connaissance de l'invisible auprès de toi. Donc ça veut dire que il y a des noms qu'on connaît, il y a des noms qu'on connaît pas, parce qu'il y a certains noms qu'il a préservé dans sa connaissance de l'inconnu de l'invisible. Ça c'est le point numéro 3. Le point numéro 4, Asma Allah ghayr mahsura bi adad mu'ayyan. Ma dumna la na'lamu ba'daha. Le point numéro 4, c'est que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas limités par un nombre spécifique, puisqu'on ne les connaît pas tous. Donc, on peut pas dire qu'il y a un nombre spécifique des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et le cheikh dit, فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة معناه من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة وليس معناه أن أسماء الله 99 اسما أن أسماء الله 99 اسما. Donc il dit فهذه التسعة والتسعون غير معينة بل لا بد أن نبحث حتى نحصل على التسعة والتسعين منها. Donc on a dit quoi comme quatrième point, que on ne peut pas les délimiter par un nombre spécifique ou précis. Alors le cheikh il dit pourquoi qu'on peut pas dire qu'on pourquoi on peut pas les désigner ou délimiter par un nombre précis, parce que on ne sait pas combien Allah a de noms, on les connaît pas tous. Donc puisqu'on les connaît pas tous, on peut pas les limiter à un nombre. Toutefois le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans un hadith que Allah a 99 noms, quiconque les énumère, il rentre au paradis. Et le cheikh il dit que ça, bon ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'est-ce que ça signifie ce hadith là? Le cheikh il dit ça signifie pas que Allah a 99 noms, c'est pas ça la signification de ce hadith. Ce hadith-là ne signifie pas Allah a 99 noms, celui qui les mentionne ou qui les énumère rentrera au paradis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi les noms d'Allah, il y en a 99. Si vous les nommez et les énumérez tous, vous allez entrer au paradis. Ça veut dire que parmi les noms qu'il possède, il y en a 99 qu'on peut connaître. Oui, qu'on peut connaître, mais pas que c'est les, que c'est uniquement 99 et que c'est la totalité des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, le cheikh, ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms. Ça veut seulement dire que il en a, un nombre de noms que seul lui connaît, et parmi ceux qu'il nous a révélés, il y en a 99. Parmi ceux qu'on connaît dans la révélation, il y en a 99, celui qui les énumère, il va rentrer au paradis. Le cheikh dit, ces 99-là, ils ne sont pas désignés. Ils ne sont pas désignés de façon spécifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est obligé de les chercher pour les trouver. Ils ne sont pas bien désignés comme 99, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, il faut les chercher pour les trouver. Ils sont éparpillés un peu partout dans la révélation. Hein, dans différents versets, dans différents hadiths. Donc il faut les chercher pour les trouver. Et des fois vous avez des tableaux, hein, dans les murs que les gens accrochent avec une série de noms, 99. Ou bien dans les livres aussi, vous avez ça. Et il faut bien comprendre que cette série de hadiths, de noms-là qui sont mentionnés dans les tableaux ou dans les livres, ce ne sont pas des choses basées sur des hadiths authentiques. Parce qu'il y a un hadith qui rapporte une série de noms, mais ce hadith-là, il n'est pas authentique. Donc, il y a des noms parmi ces noms-là qui ne font pas réellement partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Oui, c'est ça. Donc, il ne faut pas penser que tous ces tableaux-là sont 100% corrects. Non. Donc c'est ça, il faut vraiment faire des efforts pour les trouver. Et le cheikh il dit, هذه التسعة والتسعون غير معينة, donc ils ne sont pas désignés, il faut les chercher. Qu'est-ce que ça veut dire, من أحصاها, دخل الجنة, celui qui les compte, il rentre au paradis. Qu'est-ce que ça veut dire, les compte, les énumère, est-ce que ça veut dire que tu les comptes? Non, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Le cheikh il donne trois significations à ça. Il dit, معنى إحصاؤها, معنى إحصاؤها الإحاطة بها لفظا. فهم معانيها. 3. التعبد بمقتضاها. Donc ça c'est les trois points. Premier, tu dois connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire leur prononciation. Tu dois connaître comment les prononcer, puis qu'est-ce que c'est ces noms-là. Tu dois les connaître, les noms, les chercher. Deuxièmement, tu dois comprendre la signification de ces noms-là. Donc c'est pas juste que tu connais les noms puis que tu sais pas qu'est-ce qu'ils signifient. Il faut que tu saches ce qu'ils signifient, parce que si tu connais pas ce qu'ils signifient, tu connais pas l'attribut qui est relié à ce nom-là, et donc tu pourras pas vraiment les faire qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam te demande. Il dit man ahsaha. Donc pour vraiment les énumérer comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de le faire, il ne faut pas seulement les réciter comme certains le font, hein, en particulier les soufis, ils font juste s'asseoir puis réciter le nom. Non, ça c'est pas suffisant. Premièrement, il faut vérifier que c'est un nom d'Allah, réellement. Deuxièmement, il faut comprendre ce qu'il signifie ce nom-là, réellement. Et troisièmement, il faut adorer Allah par qu'est-ce que ce mot-là ou par qu'est-ce que ce nom-là implique. Donc il faut que tu adores Allah par qu'est-ce que ce nom implique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. أن تدعو الله بها فتجعلها وسيلة للمطلوب فيختار الاسم المناسب للمطلوب مثل يا غفور اغفر لي. والثاني أن تسير في عبادتك بما تقتضيه هذه الأسماء فتسأله المغفرة لأنه غفور والرحمة لأنه رحيم وتسعى في أسباب المغفرة. Donc, pour adorer Allah selon ce que ces noms-là impliquent, il faut respecter deux points de vue. Le premier, c'est que il faut que tu invoques Allah en faisant de ces noms-là des moyens pour arriver à plaire à Allah et adorer Allah. Donc, tu choisis les noms qui correspondent à la chose que tu veux de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si par exemple tu veux que Allah te pardonne, tu l'appelles par le nom qui implique son pardon, dans le sens qu'il est Al-Ghafour, et toi tu veux son pardon, hein, donc tu l'appelles par ce nom-là, Ya Ghafour Ighfirli, ô toi le pardonneur, pardonne-moi. Tu veux la miséricorde d'Allah, tu l'invoques par le nom qui implique sa miséricorde, donc il est Ar-Rahim. Donc tu dis « Ya Rahim, arhamni, hein, ô toi le miséricordieux, et miséricorde, mets ta miséricorde sur moi », ainsi de suite. Et le deuxième point, c'est que tu dois, dans ton adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ce nom-là implique, comme par exemple, yani, non seulement tu dois l'invoquer par le nom, et tu dois l'invoquer par le nom qui implique ce que tu demandes, mais tu dois agir selon ce que ce nom-là implique. C'est pas juste de demander selon le nom et qu'est-ce qu'il implique, mais d'agir selon ce que le nom implique. Donc, par exemple, si tu veux avoir le pardon, tu l'invoques par le nom Al-Ghafour, et si tu veux la miséricorde, tu l'invoques par le nom Ar-Rahim, d'accord? Mais tu fais en même temps les efforts pour avoir les causes qui vont t'amener le pardon et la miséricorde d'Allah. Tu fais l'effort, hein. C'est pas juste tu restes assis puis tu attends. Et comme cinquième règle, لا يتم الإيمان بأسماء الله إلا بثلاثة أمور إذا كان الاسم متعديا إلى غيره. Donc pour que tu sois un croyant en les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu respectes certaines conditions, d'accord, pour être un vrai croyant au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu dis que tu crois au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois respecter trois conditions, et ça c'est lorsque c'est un nom qui est muta'addi. Quand on dit muta'addi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'action de ce nom a un rapport avec, dans le sens, l'action qui est reliée à ce nom-là a un effet sur les créatures. A un effet sur les créatures. On va expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que, par exemple, premièrement, comme condition, al-iman billahi, al-iman bil-ism, isman billah. C'est-à-dire, premièrement, tu dois croire que ce nom-là, c'est un nom d'Allah. Ça, c'est pour une première condition. Deuxième condition, al-iman bima yatadammanuhu min as-sifa. Deuxièmement, croire croire en l'attribut qui est impliqué ou qui est sous-entendu par ce nom-là. Comme par exemple, si tu dis que tu comme par exemple, tu lis que Allah il dit qu'il est Al-Alim, qu'il est l'Omniscient, tu dois croire qu'il a comme attribut le savoir, Al-Ilm, la connaissance. D'accord? Donc ça c'est la deuxième condition. Et troisième condition, Al-Iman bil-Athar ou al-Hukm al-Mutadammin lahu hadha al-Ism. Fa-Al-Alim, hein, comme on disait. Donc, troisième condition, tu dois croire en l'effet de ce nom-là, ou le verdict, ou le jugement que ce nom-là implique. Comme par exemple, le cheikh donne un exemple. فالعليم اسم من اسماء الله فلا يتم الايمان به الا بالايمان بان العليم من اسماء الله والايمان صفه العلم والايمان بصفه العلم التي تدل عليها والاسم بانه والايمان بانه يعلم كل شيء donc ça c'est premièrement si tu veux donner un exemple pour bien comprendre ça comme je disais pour Al-Alim, que Allah subhanahu wa ta'ala il est omniscient, premièrement tu dois croire que parmi les noms d'Allah il y a Al-Alim, et tu dois croire que ça, ça fait partie des noms d'Allah, qu'il est omniscient. Deuxièmement, tu dois croire en l'attribut qui est relié à ce nom-là, c'est-à-dire qu'il a le savoir, la connaissance, et ça c'est deuxièmement. Troisièmement, tu dois agir selon l'effet de ce nom-là. C'est-à-dire, quand tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala c'est omniscient, alors là tu dois croire, si tu crois réellement que Allah est omniscient, eh bien tu dois agir en conséquence. C'est-à-dire, tu dois faire en sorte que, par exemple, tu vas pas tricher, tu vas pas mentir, tu vas pas voler, tu vas pas faire des choses mauvaises. Parce que si tu crois que Allah est Al-Alim, tu peux pas faire ça. Parce que tu sais que Allah il sait tout. Hein? La même chose par exemple, tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala il est Al-Basir. Ça implique trois choses. Premièrement, que tu crois que parmi ses noms, il a Al-Basir. Al-Basir. Il s'appelle Al-Basir. Deuxièmement, qu'il a un attribut qui est relié à ce nom-là qui est Al-Basar. C'est-à-dire la vue. Tu dois croire en ça. Et deuxièmement. Troisièmement, tu dois croire en l'effet que cet attribut-là a sur toi. Dans le sens que, si tu crois réellement que Allah, il est Al-Basir, alors tu dois agir en conséquence. Et que même si personne te voit, tu sais qu'Allah te voit, donc tu peux pas faire ce que Allah t'interdit de faire. Ça, c'est les trois conditions pour dire que tu crois vraiment au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et la même chose pour tous les autres noms. Mais il y a des noms qui ont un effet sur les créatures, il y a des noms qui n'ont pas d'effet sur les créatures, qui sont uniquement reliés à Allah, sans que ça dépasse Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens que c'est relié à son être, c'est des attributs qui sont reliés directement à sa personne, comme par exemple, le chef, hein, ouais, Al-Ali, ou bien par exemple, le cheikh il donne l'exemple Al-Hay, le vivant. Tu vois? Ça c'est des exemples. C'est Amma Iza Kan Al-Ism Ghair Mut'addiyan, yani Ghair Mut'addiyan, Fala Yatim Al-Iman Bihi Illa Bi Amrayn. Donc si c'est un nom qui a rapport uniquement avec la personne d'Allah subhanahu wa ta'ala et son être, dans ce cas-là, il faut respecter deux conditions seulement. Hein? C'est l'iman بأنه من الأسماء ou من أسماء الله والإيمان بما يتضمن بما تتضمنه من صفة لأنه ليس له حكم يتعدى لغير مثل للغير مثل الحي فيؤمن بأنه من أسماء الله ويؤمن بصفة الحياة. Donc l'exemple de ça c'est comme par exemple l'exemple de des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois croire que ce sont, que ça fait partie de ces noms. Comme par exemple, Al-Hayy, le vivant. Et exemple, Al-Ali, comme tu as dit tout à l'heure, le très haut. Également, tu dois croire en ce qu'implique ce nom-là comme par rapport à la tribu. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a comme nom Al-Hayy, Al-Hayy al-Qayyum, comme il dit. Donc, il a comme attribut Al-Hayy, qu'il est vivant, et donc ça implique qu'il a l'attribut de la vie, Al-Hayat. D'accord? Et que ça, ça fait partie de ses attributs. Donc ça c'est par rapport à, aux noms qui sont limités à Allah seulement, il faut respecter deux conditions. Comme sixième règle, Asma Allah, in qasada bil ism al-lafz al-dal ala al-musamma, fahuwa ghayr Allah. Wa in qasada bihi ma dal alayhi, fahuwa Allah. Qala ta'ala, ud'u Allah aw ud'u al-Rahman. Ayyan ma tad'u falahu al-asma'u al-husna. Ça c'est la réponse à la question du frère la semaine passée, le frère Omar, qui a posé la question, est-ce que le nom d'Allah c'est Allah ou bien c'est autre que Allah? Ça c'est une question que les Mu'tazila ont ramenée, et il y en a qui répondent oui, il y en a qui répondent non, et en fait c'est pas comme ça, c'est pas correct de répondre de cette manière-là. C'est-à-dire il faut pas répondre par un ou par l'autre. En fait, il faut détailler dans ce genre de questions-là. Et le cheikh, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, ça dépend de ce que tu veux dire par le nom. Si tu dis que le nom, c'est le mot lui-même, les lettres qui composent ce mot-là, est-ce que ce mot-là, c'est Allah? Non. Mais est-ce que si tu veux dire par là, la signification qui est indiquée par ce nom-là, dans ce cas-là, oui, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Dans le sens que, qu'est-ce que le nom indique? Il indique Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui est indiqué par ce nom-là? C'est Allah. Mais le mot lui-même, les lettres, c'est pas Allah. Hein? C'est ça ce que le cheikh explique. Donc, il dit, Asma Allah, in qasada bil ism al-lafd, al-dal, ala al-musamma, fahuwa ghayr Allah. Al-lafd, le mot lui-même, il n'est pas Allah. Mais si tu veux dire, qu'est-ce que le mot indique? Oui, il indique Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve qu'il mentionne pour ça, c'est le verset 110 dans Surat al-Isra, قُلْ اِدْعُوا اللَّهِ أَوْ اِدْعُوا الرَّحْمَنِ اَيَّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit, invoquez Allah ou invoquez Ar-Rahman, peu importe, qui vous invoquez, il a les plus beaux noms. Donc si tu invoques Allah ou Ar-Rahman, c'est la même chose, parce que ça fait partie de ses noms. Il s'appelle Allah, il s'appelle Ar-Rahman. D'accord? Donc ça c'est la preuve que qu'est-ce qui est indiqué ici, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Par ces noms-là, on indique Allah subhanahu wa ta'ala. Septièmement, Asma Allah tawqifiyya. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont tawqifiyya wa tawfiqi ma yatawqafu ithbatuhu ala wurudihi ou ala wurudin nas bihi. Quand on dit que, comme septième règle, Asma Allah, les noms d'Allah sont tawqifiyya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les noms d'Allah, dans tout ce qui a rapport avec les noms d'Allah, tu dois te limiter à ce qui est mentionné dans le texte. Tu n'as pas le droit de dépasser ça. Tu dois t'arrêter au texte seulement. Comme c'est mentionné dans le texte. Tu n'as pas le droit d'inventer des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein, le grand maître, le maître, ça fait partie des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais le grand architecte, ou des trucs comme ça, comme les francs-maçons, ils appellent Dieu l'architecte. Ça, c'est pas des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le numéro 8, Asma Allah, minha ma la yusamma biha ghayr Allah, fayakhtassu bihi mithl al-Rahman, Allah al-Rab, Rabb al-Alamin, wa minha ma yusafu bihi ghayr Allah, mithl al-Rahim, al-Ra'uf, al-Sami', al-Alim, al-Hakim, الحكم الحي. فقال تعالى في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال في الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا، وقال يخرج الحي من الميت. فإذا سمي أحد باسم من أسماء الله فينظر إن كان لا يصح أن يتسمى به إلا الله فيجب تغييره. مثل لو سمي شخص بالرحمن أو بالرب، أما إن كان يصح أن يوصف به غير الله فيجوز وصفه به، أما تسميته بذلك فإن لوحظ الصفة فإن لوحظ الصفة أي سمي لأجل أنه موصوف بذلك فهذا ممنوع ولذا غير النبي صلى الله عليه وسلم كنية أبا الحسن إلى أبا شريح وإن لم تلاحظ جاز ولهذا ذكر في الإصابة نحو 30 نفرا كلهم اسمه الحكم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس في هذه إلا العلمية وأسماء الله تتضمن الاسم والصفة. Donc le cheikh il clarifie un petit peu cheikh Uthaymeen les règles à ce sujet là par rapport au fait que comme ça c'est la huitième règle, c'est la dernière, c'est que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont spécifiques à Allah, on n'a pas le droit de les donner à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un ne peut pas s'appeler Allah. Ou Ar-Rahman. Ou Ar-Rab. Ou Rabbul Alamin. Ces titres-là, ces noms-là, on n'a pas le droit de donner à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Toutefois, il y a d'autres noms qu'on a le droit d'appeler des créatures par ces noms-là. Comme Ar-Rahim, Ar-Ra'ouf, Al-Sami', Al-Alim, Al-Hakim, Al-Hakam, Al-Hay. Le chef, il explique. Il dit pourquoi. En fait, tu demandais à Rif tout à l'heure, comment on fait pour distinguer les noms qu'on peut donner à autre que Allah, puis les noms qu'on ne peut pas donner à autre que Allah. Et la réponse, en fait, c'est que les noms qu'on peut donner à autre que Allah, c'est les noms qu'on a trouvé dans la révélation qui ont été attribués à d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, à des créatures. Les noms dans la révélation, dans le Coran ou dans la Sunna qui ont été donnés à autre que Allah, ceux-là on a le droit de donner à autre que Allah. Mais les autres sont uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh il mentionne comme exemple, Rahim, Raouf, Sami', Alim, Hakim, Hakam. Et lui, le Cheikh Al-Fawzan, tout à l'heure, il disait que le nom Al-Hakam, on n'a pas le droit de donner à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, Cheikh Ibn Uthaymeen, Al-Hakam, le juge. Toutefois, le Cheikh Ibn Uthaymeen, il détaille encore plus cette question-là. Il ramène des détails encore plus précis à ce sujet-là. Il dit qu'on a le droit d'appeler quelqu'un Hakam, mais il y a des conditions à respecter. Puis on va voir l'exemple qu'il donne. Comme par exemple, pour appeler quelqu'un Raouf ou Rahim, on voit le verset 128 dans Surat At-Tawba. Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en disant qu'il est Raoufun Rahim envers les croyants. Il est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Et il dit aussi, à propos des êtres humains, فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا Basira, dans Surat Al-Insan, il dit qu'Allah les a fait avec l'ouïe et la vue. Donc ça c'est des attributs d'Allah, il est Al-Sami et Al-Basir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a également attribué à des créatures. Donc il faut juste croire qu'il n'y a pas de ressemblance entre les attributs d'Allah et les attributs de la créature. Comme il dit, laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami' al-basir. Il n'y a rien qui lui ressemble, mais il est l'audient et le voyant. Et il mentionne, donc ça c'est le verset 2 dans Surat Al-Insan, et le verset 19 dans Surat Ar-Rum, le Cheikh il mentionne le verset qui dit « Yukhrijul hayya min al-mayyit » Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir le vivant du mort. Et ça c'est deux noms d'Allah, pardon. Al-mayyit c'est pas un nom d'Allah, le mort c'est pas un nom d'Allah, mais al-hay c'est un nom d'Allah. Et Allah a décrit des créatures par le terme Al-Hay, qui sont vivants. Il a dit que certains êtres sont vivants, certaines créatures sont vivantes. Donc ça c'est la preuve qu'on peut donner à une créature ce nom-là, pour dire qu'elle est vivante. Toutefois il faut savoir que la vie d'Allah est incomparable à la vie d'une créature. Parce que la vie d'Allah n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Et elle est parfaite. Tandis que la vie d'un être humain est limité et elle a un début et elle a une fin. Donc ça c'est tout ce qui a rapport avec ces noms-là. quoi al-mayyit, Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement dans le Coran qu'il a dit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa hayyun la yamut, un vivant, il ne meurt pas. D'accord. Et ensuite il dit, si on appelle quelqu'un par un de ces noms-là, il faut regarder si c'est permis de l'appeler par ce nom-là. Si, il faut regarder si on appelle quelqu'un par un des noms d'Allah, il faut voir est-ce que ça fait partie des noms qui sont uniquement à Allah. Donc si quelqu'un a un des noms d'Allah et que c'est un des noms qui est uniquement pour Allah, il faut changer ce nom-là. On n'a pas le droit de l'appeler par ce nom-là. Comme par exemple si quelqu'un s'appelait Ar-Rahman ou bien Ar-Rab, dans ce cas-là, il faut qu'il change son nom obligatoirement. Mais si c'est parmi les noms qu'une créature autre qu'Allah, et une créature a le droit de s'appeler en dehors d'Allah, c'est-à-dire, il y a des noms, si ça fait partie de ces noms, si ce nom-là fait partie des noms qu'une créature a le droit d'utiliser, alors dans ce cas-là, c'est permis de le décrire par ce nom-là. Si ça fait partie des noms qui sont permis qu'on donne à une créature. Mais il y a une condition. Il y a une condition que le cheikh mentionne ici, qui est très subtile et très intéressante à comprendre. C'est que, toutefois, il ne faut pas que cet attribut-là soit présent à la personne. Il dit أما تسميته بذلك فإن لوحظ الصفة أي سمي لأجل أنه موصوف بذلك فهذا ممنوع لأن هذا ولذا غير النبي صلى الله عليه وسلم كنية أبا الحكم إلى أبي شريح. Donc il dit que il faut pas que on ait donné ce nom là à cette personne à cause de l'attribut. Tu comprends? Parce que le cheikh il dit parce que c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui a le droit d'avoir ces noms-là à cause de l'attribut, puisque ça, ces noms sont, impliquent des attributs. Donc on n'a pas le droit de donner ces noms-là à quelqu'un parce qu'on a remarqué en cette personne qu'elle a l'attribut en question. Comme par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il a changé la kunya de Abu al-Hakam et qu'il l'a appelé Abu Shuraih? Pourquoi? Parce que les gens avaient remarqué en lui qu'il avait cet attribut-là d'être quelqu'un qui tranchait bien dans les désaccords et qui jugeait dans les discordes. Donc, à cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé sa kunya. Mais il dit, si on n'a pas remarqué en une personne cette caractéristique-là, dans ce cas-là, c'est permis de l'appeler par ce nom-là. Il dit pourquoi? Parce que il dit qu'on a trouvé dans un livre qui s'appelle Al-Isaba. Ça c'est Al-Isaba, c'est un livre qui parle de la biographie des Sahaba. Ok? Et il y avait 30 personnes qui s'appelaient Al-Hakam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas changé leur nom. Donc, pourquoi? Il dit parce que c'était uniquement un prénom. Il n'avait pas cet attribut de juger entre les gens. Ça, c'est l'explication. Toutefois, le cheikh, il mentionne ici cette nuance-là, que c'était à cause du fait qu'on n'avait pas remarqué en eux l'attribut, mais le cheikh, il dit qu'on les appelait Al-Hakam. Et moi, j'ai remarqué que la différence, c'est que Abu Shuraih, il n'avait pas comme nom Al-Hakam, mais Abu al-Hakam. Donc, je me demande s'il n'y a pas justement une nuance à faire entre le fait de prendre ce nom-là comme kunya, ou bien uniquement comme nom, comme de s'appeler Al-Hakam. Hein? Peut-être qu'il y a une différence entre le fait de s'appeler Hakam ou Abu al-Hakam. Allahu a'lam. Il faudrait juste vérifier pour demander peut-être à un cheikh pour qu'il nous clarifie plus cette question-là. Plus détaillé. Donc on va s'arrêter ici parce que déjà on a dépassé le temps, mais bon, c'est quand même bénéfique. On s'arrête ici, Inch'Allah, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.